c'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. Afrique esclavagisée, colonisée, martyrisée, dévalisée. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les tyrans complices, les gars dans les comptes en Suisse. Les potes venus suivent les crédits des débits. Aïe aïe. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. C'est dans la fin de loi du fric. Afrique mal dirigée, tyrannisée, manipulée, dévaluée. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. La somme des mercenaires et les âmes des tortionnaires. Des milliards de francs volent à des pays souffrants. Les coups de fouet du fouet, les gombos des bongos, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, toi encore. Après ça, l'Afrique, toi du fric. Ainsi dans l'Afrique, toi du fric. Ainsi dans l'Afrique, toi du fric. Des travaux forcés, des milliers d'entreprises qui pillent. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Les complots du FMI et les blagues de la Banque mondiale. Des milliards d'euros volés par des bandes d'escrocs. Les faux comptes de compte, les sales sous des assauts. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Les montagnes de fric volées par la France-Afrique. Les présidents africains sont complices de ce trafic. Les coups de fouet bouffés, les bonbons des bonbons, aïe aïe. Ainsi dans l'Afrique, loi encore. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Est-ce que l'Afrique doit encore? Est-ce que l'Afrique doit encore? Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Quitte le pouvoir, ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Ainsi dans l'Afrique, loi du fric. Yes! Est-ce que ça va? Yes! Yes, man! Alors, c'est pas tous les présidents, mais il y a des dirigeants au pouvoir dans ce monde aujourd'hui qui ne méritent pas d'être là. On va leur demander ce soir de quitter le pouvoir.